Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Plusieurs coffrets de CD consacrés à la Callas paraissent ces temps-ci, et notamment Maria Callas, la renaissance d'une voix chez Warner Music dès le 10 novembre. Alain Duhaut dédie pour sa part un livre à la cantatrice, reine du XXe siècle. Un livre que Franck Ferrand a lu avant nous. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Je me suis même délecté de cet ouvrage d'Alain Duhaut. J'étais en train de lui lire justement que c'est un livre vraiment très inspiré. On a l'impression d'entendre parler Maria Callas dans cette collection « Dans la peau 2 » aux éditions du Passeur. Alain Duhaut est donc avec nous cet après-midi. Et redécouvrir la Callas en sa compagnie promet d'être un moment privilégié. Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Benjamin sur l'origine des colorants naturels mais aussi synthétiques. Ah, mais ça, c'est un des grands sujets de l'histoire des produits manufacturés. Pour le moment, je vous propose de retrouver celle dont la voix a fait frissonner et continue de faire frissonner la planète entière, Maria Callas. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Retour 37 années en arrière, à peine plus du tiers d'un siècle, le 16 novembre 1977. Une voiture de pompiers s'immobilise au 36 de l'avenue Georges Mandel, dans le 16e arrondissement. C'est ici, au 3e étage, que se trouve l'appartement parisien de la célébrissime Maria Callas. Ce matin, la diva s'est levée tard, aux alentours de 11h30. Comme tous les jours, Bruna, qui est à son service depuis des années, a ouvert les rideaux. Elle a quitté la chambre quelques instants pour aller chercher le plateau de café, un café bien fort comme l'aime Madame Callas. Mais quand Bruna est revenue dans la chambre, elle a trouvé la cantatrice affalée au sol, apparemment sans connaissance, victime d'un malaise à l'évidence. Bruna s'est affolée, elle l'a appelée, Maria Callas a rouvert les yeux, elle a souri, elle a paru se sentir un peu mieux, elle a commencé à se relever avant de retomber à la renverse. Un mot, un murmure. Je souffre. Je crois que je souffre en italien. Un médecin vite, bien sûr que Bruna a appelé le médecin, mais trop tard. Au tout début de l'après-midi, peu après 13h, la cantatrice vient de succomber à une embolie pulmonaire due, semble-t-il, c'est ce qu'établira le diagnostic post-mortem, à une tension trop faible, à une mauvaise circulation sanguine, à une vie sédentaire. C'est... On peut dire que la vie sédentaire, elle connaissait ça par cœur, Maria Callas, évidemment. Elle avait 53 ans. Callas qui vient de s'éteindre seule, toute seule, au milieu de ses domestiques et de ses caniches, la cantatrice adulée du monde entier vivait en retrait de la scène depuis déjà plusieurs années. Elle a voulu jusqu'alors ne vivre que d'art, a écrit Henri-Jean Servat, faisant allusion évidemment au célèbre air vicié d'arte. J'ai vécu d'art. Et elle y a réussi. Elle veut maintenant mourir d'amour. Et d'abord extasiée, puis dévastée, elle y arrivera avec le même sens de la perfection. En effet, Maria, qui touche au sublime, va bientôt en peu de temps et perdre la voix et rendre l'âme sous nos yeux, s'apprêtant à partir voguer sur une mer de désolation et de désespérance. À son corps défendant mais à cœur perdu, elle ne sait pas qu'en ce moment, en cet instant précis où, débarquant sur le ponton de bois à l'avant du bateau, sa silhouette filiforme et longiligne se découpe en relief sur la proue, elle entame un impossible voyage au bout du silence de la nuit. Maria Callas connaît en effet la solitude depuis des années. Au début des années 70, la cantatrice vit déjà très isolée, sans doute à cause de son état de santé, souvent défaillant. Il faut dire qu'elle est fatiguée, et il lui est arrivé plusieurs fois d'annuler. Elle a des chutes de tension, sa vue baisse. On diagnostique même un glaucome. Elle va devoir mettre des gouttes dans ses yeux toutes les deux heures. Et puis surtout, pire encore, elle n'a plus de voix. Vous imaginez ce que ça peut être ? Nous connaissons tous, de près ou de loin, autour de nous, des artistes qui ont, pour des raisons diverses, perdu ce qui faisait le cœur même de leur don. Dans le cas de Maria Callas, c'est absolument dramatique, bien entendu. L'époque est loin de ses grands rôles dans Norma, dans la Tosca notamment, dans les années 50 et 60. Désormais, la voix de Callas est comme fêlée, elle est légèrement éraillée suffisamment pour rendre cette voix évidemment inaudible à tous les mélomanes du monde. En plus, elle est devenue une figure, on appellerait ça aujourd'hui une figure people. Elle est complètement, constamment suivie par les journalistes, traquée par les paparazzi. Elle en a d'ailleurs très peur. Elle n'arrive pas à adopter ce nouveau mode de vie. Anne Edwards nous dit « Les rideaux de son appartement restent fermés jour et nuit car un paparazzi a réussi à grimper à l'un des marronniers de l'avenue Georges Mandel et à se pencher sur une branche pour photographier les portes-fenêtres du grand salon au téléobjectif. » Du coup, elle les laisse verrouiller, de crainte qu'un autre Tarzan ne parvienne à se propulser sur le balcon et à pénétrer dans son appartement. On ne peut pas dire pour autant, et ça c'est magnifique dans l'ouvrage d'Alain Duhaut, il le montre vraiment très bien, on ne peut pas dire qu'elle n'ait plus de projet, loin de là. En 1971-72, la Juilliard School de New York a fait appel à elle pour diriger des masterclass, elle donne des cours, elle libère de temps en temps quelques notes, vous savez, j'ai malheureusement pas eu la chance d'entendre Maria Callas, mais je me rappelle des masterclass d'Elisabeth Schwarzkopf, qui était tout à fait extraordinaire, puisque elle qui ne chantait plus depuis déjà des années, lorsqu'elle voulait donner l'exemple à une des élèves, elle se mettait à chanter de cette voix d'or qui emplissait l'amphithéâtre, c'était des moments inouïs. On peut imaginer la même chose avec Maria Callas, interprétée d'ailleurs par Fanny Ardant dans ce rôle il y a quelques années au théâtre, c'était passionnant. Ça redonne évidemment confiance tout ça à Maria Callas. Elle se voit admirée par un parterre d'interprètes dont certains vont rester célèbres. Je pense évidemment à Placido Domingo, à Luciano Pavarotti. Chaque lundi et jeudi entre 17h30 et 19h30, 5 élèves, 6 parfois, gravissent les marches de la grande estrade de l'immense salle, s'approchent du maître Callas et entonnent intimidés leurs morceaux de bravoure. Elle écoute, puis interrompt, explique, donne l'exemple, écoute à nouveau, puis interrompt encore. Elle s'empare de tous les registres de voix, de tous les répertoires, en connaît chaque note, chaque mot, le chant est son seul enfant. Elle prie ses successeurs de l'honorer dignement, de l'aimer, de le respecter. Elle ira même jusqu'à se frotter à la mise en scène, Maria Callas. C'était en 1973 pour les Vêpres siciliennes de Verdi, évidemment, en collaboration avec le ténor Giuseppe Di Stefano. On ne peut pas dire qu'elle ait triomphé dans cette nouvelle activité, mais ça l'a rapprochée encore une fois de ce monde qui est le sien, fondamentalement. Elle aime, Maria, ce ténor vieillissant qui, comme elle, n'a plus la voix qu'il avait pu avoir. À la fin de 72, à Londres, ils avaient enregistré des duos, mais, à vrai dire, le résultat était tellement mauvais que des conseillers, des directeurs artistiques avaient déconseillé la publication, enfin l'édition. Il décide donc néanmoins ce projet fou, celui d'une tournée mondiale, alors que les spécialistes prédisent déjà un échec. Et pendant plus d'un an, Callas et Di Stefano vont passer par la République fédérale d'Allemagne, par la France, à Paris, Théâtre des Champs-Élysées, mais aussi à San Francisco, à Tokyo, à Séoul, où la seule présence de ce mythe, de ce monstre sacré qu'est Maria Callas suffit à déplacer les foules, évidemment. C'est une tournée très difficile pour plusieurs raisons. D'abord, Maria Callas n'a évidemment plus sa voix d'avant. Elle est très proche, trop proche de Di Stefano, dont l'épouse est néanmoins là, qui l'accompagne durant la tournée. Et le 16 février 1974, Maria Callas va tenter de se suicider dans sa chambre d'hôtel, la veille d'un concert au Carnegie Hall de New York, un concert finalement repoussé au 5 mars. La tournée se termine en novembre 1974 à Sapporo, au Japon. On peut dire que l'année qui va s'ouvrir pour Maria Callas sera sans doute la plus noire de toute sa vie. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à Maria Callas à la fin de sa vie. Et oui, on en était à 1975 et en fait, l'une des mauvaises nouvelles pour Maria Callas, c'est la dégradation de l'état de santé d'Aristote Onassis, vous savez, le très célèbre armateur grec dont on disait qu'il gagnait 100 000 dollars par heure. Aristote Onassis, ça avait été pour elle, je dis bien ça avait été, une passion tumultueuse. Elle disait qu'elle avait vécu auprès de lui les plus belles années de sa vie et les pires de toutes. Il s'était rencontré une première fois en 57 à Venise, puis de nouveau un an plus tard, toujours à Venise, chez la fille du maestro Toscanini, la comtesse Castelbarco. Alain Duhaut nous raconte, alors c'est évidemment c'est Maria Callas qui parle, hein, puisqu'il se met dans la peau de la cantatrice. Harry m'a guidé vers le balcon pour admirer la vue. Ensuite, tout s'est noué là, dans le palais de la comtesse. Après avoir fait quelques saluts de convention, nous nous sommes mis à l'écart, Harry et moi, dans deux fauteuils de velours jaune paille. Il m'a dit qu'il avait beaucoup pensé à moi durant ces 18 mois. Je n'ai pas pu me retenir de lui dire d'un seul élan que moi aussi. Il m'a regardé alors, regardé avec cet œil à la fois lumineux et gourmand que je ne pourrai jamais oublier, même si je dois vivre 100 ans. Il avait le menton posé dans la paume de sa main et m'écoutait avec ce sourire. Nous étions ailleurs, loin, tous les deux. Maria Callas va vivre dans un premier temps avec Aristote Onassis un véritable conte de fées. Elle s'en va en croisière, évidemment, sur le Christina, vous savez, qui est ancré dans le port de Monte-Carlo, comme dès 1959 d'ailleurs. Maria porte d'épaisses lunettes noires correctrices qui cachent ses yeux et la moitié de son visage, écrit Anne Edwards. Malgré l'heure tardive, les lumières encerclant le port de Monte-Carlo sont éblouissantes et accentuent son problème de myopie. Elle suit du regard le prince Rainier et la princesse Grace qui, après avoir dîné à bord du yacht, descendent la passerelle de l'embarcation blanche géante et parcourent les quelques pas les séparant de leur limousine armoriée. Le couple aura même un enfant en 1960, Homero, mais qui ne va vivre que 2 heures. Ce sera un des grands drames de la vie de Maria, évidemment. Et puis, par la suite, on peut dire que les choses se compliquent. Vous savez, la vie d'un homme comme Onassis, dont on aurait dit autrefois dans nos bonnes provinces qu'il brûlait la chandelle par les deux bouts, c'est une vie tumultueuse, constamment, on est constamment sur la brèche, et tout ça ne s'accorde pas bien, notamment avec la santé faible, avec les chutes de tension, avec la détérioration de la voix de Maria Callas, qui doit faire des efforts pour se mettre au niveau, pour être toujours dans cette espèce de tourbillon. Voilà ce que nous dit Alain Duhaut lorsqu'il parle au nom de Maria Callas de la terrible représentation de la Tosca à Paris en 1965, restée tristement célèbre. « Tout s'est bien passé d'abord. J'ai tenu les premières représentations, à vrai dire avec quelques piqûres de choramine. Mais pour la dernière, ça a été terrible. J'ai chanté le premier acte comme en apesanteur. Je suis revenu à garde pour le deuxième acte. J'ai terminé le troisième dans une sorte de brouillard avec cet horrible Cossotto qui chantait à la fois à Da Siga sans me ménager, pire encore en se déchaînant dans le duo comme pour me faire craquer, je me suis écroulé en coulisses, je ne pouvais pas aller plus loin, on m'a fait une piqûre, mais plus question de chanter, j'étais au bout de moi-même, je ne pouvais pas faire le dernier acte, c'était une question de survie. On m'a ramené chez moi, je ne sais même plus comment, je me suis effondré sur mon lit, j'ai dormi, j'ai pleuré. J'aurais voulu mourir. J'étais seul, affreusement seul, depuis cette soirée du 29 mai 1965. La date est gravée dans ma mémoire. Je n'ai jamais remis les pieds sur la scène de l'Opéra de Paris. Et puis, il y a eu cette espèce de coup de poignard, celui dont elle ne se remettra jamais, et c'est l'annonce le 17 octobre 68, annonce par communiqué de presse, qu'Aristote Onassis va épouser Jackie Kennedy. Ils vont se marier 3 jours plus tard en Grèce. Maria Callas avait quand même renoncé à la nationalité américaine pour devenir exclusivement grecque. Elle avait annulé son mariage avec l'entrepreneur Giovanni Battista Meneghini pour épouser Onassis et dire qu'il lui a tout de même acheté au troisième étage d'un immeuble très cossu de l'avenue Georges Mandel à Paris un appartement. Elle ne montre pas qu'elle est meurtrie. Le sol s'est dérobé sous mes pieds quand j'ai appris, j'en suis encore toute bouleversée, qu'Harry et Jackie Kennedy allaient se marier dans cette île de Scorpios qu'ils m'avaient promise, lui fait dire Alain Duhaut. Il ne m'en avait rien dit, rien laissé entendre. Il m'a fallu plusieurs jours pour me ressaisir. Bruna m'a aidé, mon indispensable Bruna, depuis tant d'années, avec des serviettes imbibées d'eau froide et d'une sorte de parfum fort qu'elle appliquait sur mon front avec des cafés très chauds, de ces petits gâteaux aussi, dont elle sait que je les aime bien. Ma choramine, peu de mots, des encouragements à dormir, rien sur Harry, bien sûr. J'avais l'impression d'être la petite fille que je n'ai jamais été et dont sa maman s'occupe. Voilà peut-être une des phrases les plus éclairantes sur la personnalité la plus intime de Maria Callas. Le 26 mai 1969, elle est retrouvée inconsciente dans son lit. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital américain de Neuilly. Elle a pris, à cette époque-là, elle a déjà pris une importante dose de barbiturique. On dit que c'est un accident. Mais Maria Callas n'arrivera pas à oublier Onassis et surtout toute cette vie qu'elle menait avec lui. Elle sera d'ailleurs toujours là pour lui. Vous savez, il est conscient très tôt de son échec, en tout cas de l'échec de son mariage avec Jackie Kennedy. Le couple se voit chez Castel, qui est la boîte à la mode, chez Maxim's bien sûr. Et puis, elle sera là aussi dans ses derniers instants. Onassis, qui n'est plus que l'ombre du puissant armateur séduisant, va perdre son fils Alexandre, victime d'un accident d'avion en 73. Il tombe malade dans la foulée. Il va souffrir d'une maladie musculaire incurable, la myasthénie. Il est transporté lui aussi à l'hôpital américain de Neuilly. Jackie Kennedy va interdire à Maria Callas de venir voir Onassis à son chevet. Alors, la cantatrice va décider quand même d'entrer à l'hôpital par une porte de service à l'arrière de l'établissement et elle va rester seule avec Onassis qui à l'époque est déjà dans le coma. « C'est moi, lui murmure-t-elle néanmoins, ton canari. » L'état de santé du milliardaire se dégrade et il va mourir le 15 mars 1975. Quand elle apprend le décès d'Onassis, Maria Callas dit « J'ai l'impression d'être veuve. » Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Maria Callas. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, aux dernières années de la vie de Maria Callas. Ce sont des années très dures, vous savez. Je ne vous ai pas dit qu'en 1972, elle avait perdu son père, qui était mort, Georges, qui était mort à Athènes. Sauf qu'à l'époque, à Athènes, il y avait Onassis avec Jackie, et elle avait finalement pris la décision de ne pas s'y rendre. Elle s'en voulait beaucoup. Elle était complètement prise de culpabilité. « J'ai été une fille au-dessous de tout », disait-elle. « Je ne me suis même pas rendue à son chevet quand il était mourant. Je sais qu'il me pardonnerait, mais Dieu ne me pardonnera pas. » Et puis, il y avait donc eu la mort d'Onassis et la mort de Pier Paolo Pasolini, vous savez, avec lequel elle avait tourné en 70 cette espèce de film très étrange, hein, Médée, qui d'ailleurs a été un total échec commercial, bien entendu. Échec qui vient s'ajouter à ceux qu'elle connaît donc avec Di Stefano. D'ailleurs, elle a dû annuler son engagement à Tokyo avec Di Stefano pour jouer la Tosca, qui finalement sera chantée par Montserrat Caballé. Et puis, vient à mourir ensuite, le 17 mars 1976, son vieil ami Luchino Visconti. Ça a été très important, Luchino Visconti. Vous savez, c'est lui qui, la rencontrant à Rome en 1950, avait littéralement transformé sa carrière. Nous en dirons un mot tout à l'heure. « Ce Luchino me plaisait », lui fait dire Alain Duhaut. Il avait un peu plus de 40 ans alors et il était d'une beauté comme on en rêve quand on a 25 ans. J'en avais 26 quand je l'ai rencontré. Un large visage d'empereur romain avec des yeux vifs, un regard ardent, un sourire fin et comme flottant, un corps fait pour qu'on s'y blottisse, pour protéger, des mains papillons et une voix colorée, chantante, insinuante. Je crois que je l'ai aimé d'emblée alors que je venais de me marier l'année précédente. Tout ça est très dur, évidemment, pour Maria Callas. Alors, elle essaie de se réconforter auprès de Di Stefano. À la fin de décembre 1975, nous dit René de Secati, Di Stefano avoue l'adultère à sa femme, mais il continue à se voir à Troyes avec Callas qui les invite à Paris, puis à Palm Beach où différents psychodrames éclatent. C'est un an plus tard seulement, en décembre 1976, que Di Stefano rompt officiellement avec Callas en jurant à sa femme qu'il n'a cédé en rien aux pressions de la chanteuse. Voyez comme tout ça va mal. « J'ai perdu ma voix », avait dit Maria Callas, « il ne me reste plus qu'à mourir ». D'une certaine manière, c'était sans doute vrai. Sa vie est désormais placée sous le signe de la tristesse et, disons-le, de la solitude qu'on a souvent présentée comme sa véritable compagne. Son ami Robert Sutherland, dans Maria Callas, journal d'une amitié, écrit « Maria sombrait dans le pessimisme, voire l'amertume. Ses yeux, que j'avais souvent vu exprimer des sentiments passionnés, avaient un regard lointain, vide et indifférent. Écoutons-la parler à travers les mots d'Alain Duhaut. Je passe mes journées à regarder mes photos, tous ces rôles, tous ces moments de feu et d'électricité. Je sors un peu dans l'après-midi pour me promener et promener mes caniches, mais avec des lunettes noires pour qu'on ne me reconnaisse pas, même si le quartier est tranquille. J'ai peur de tous ces gens qui veulent m'approcher, me toucher. Bien sûr, ils me disent des choses gentilles, ils veulent me faire signer des photos, d'autres photos. Il y en a tant et je n'ose pas refuser, mais je n'ai envie de parler à personne. Je suis bien chez moi, j'aime être seul. Bonjour Alain Duhaut. Bonjour Franck. On a toujours quelques scrupules à interrompre les grands airs de notre répertoire. Celui-ci qui a beaucoup compté puisque c'est ce rôle qui l'a révélé en Italie. Nous allons voir ça avec vous dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Maria Callas avec votre invité Alain Duhaut, écrivain, poète, musicologue, animateur de télévision et de radio, qui vient de publier Dans la peau de Maria Callas aux éditions Le Passeur. Et nous avons, Franck, beaucoup de réactions de nos auditeurs. Alors, il y avait des réactions avant même que l'émission ne commence. Edwige nous disait, elle n'aura eu que la solitude et le chagrin pour compagnon. N'oubliez pas son interprétation exceptionnelle, insiste Maria. Et puis des réactions pendant l'émission. Je l'ai vu, on pourrait presque dire entendu, nous dit Jean-Pierre, à l'Opéra Garnier, dans Tosca où elle était superbe et dans Norma où elle était déjà beaucoup moins convaincante vocalement, nous dit-il. Ça c'est, moi je peux pas dire puisque je n'y étais pas, mais les comptes rendus disent le plus grand bien des représentations de Norma, donc c'est la subjectivité. Pourquoi Maria Callas s'est-elle montrée si peu combative face à la vie? Alors, on ne peut pas dire ça et on va le montrer dans la demi-heure qui vient. On va prendre le temps de répondre. En revanche, une question de Frédéric qui nous dit « Est-ce qu'elle n'était pas un petit peu casse-bonbon ?» Je pense que c'est l'idée qu'en avait Rudolph Bing, le directeur du Metropolitan Opera de New York, qui trouvait qu'elle charriait un peu avec toutes ses exigences. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle va être enterrée le 20 septembre 1977. Sa sœur, Jackie, s'est rendue à l'enterrement. D'ailleurs, Jackie aura des mots étonnants où elle dit quel dommage finalement qu'on ne se soit pas retrouvés. On aurait pu peut-être même recommencer la carrière interrompue que nous avions tout à fait commencé ensemble. Vous remarquez quand même comment s'appelait sa sœur. Oui, comme par hasard, elle s'appelait Jackie. Jackie, ça s'invente le pas. Destin. Ouais, c'est quand même extraordinaire. Maria Callas sera incinérée et ses cendres dispersées dans la mer Égée au mois de juin 1979. Alors, je disais à Alain Duhaut, pour commencer cette émission, que vous étiez réellement, il ne s'agit pas seulement du titre de la collection au passeur, vous êtes glissé, coulé dans la peau de Maria Callas au point qu'on ait l'impression de l'entendre parler. C'est assez étonnant ce que vous avez fait. Très bel exercice. J'ai eu vraiment envie de la raconter de l'intérieur parce que de l'intérieur, on pouvait mieux faire vivre la femme au-delà de l'admirable actrice chanteuse que nous connaissons. Mais là, il se trouve que j'ai, pour mon bonheur et pour mon métier, la connaissance de très nombreuses chanteuses. J'ai même vécu avec une chanteuse il y a quelques années. Donc je connais les réactions de ces femmes qui donnent tout, qui se consument à leur art. Et j'ai donc essayé d'entrer dans la peau de Maria Callas véritablement. Et pour ça, d'ailleurs, j'ai réécouté toutes les interviews radio, parce qu'il y a un certain nombre d'interviews radio d'elle, quelques interviews télé très rares. Et puis j'ai relu ces interviews pour me plonger dans cette pensée de Maria Callas afin d'être au plus près de sa vérité. Et je crois que c'est très concluant. Alors moi, je n'ai pas connu Maria Callas, évidemment, mais certains de ceux qui l'ont connu vous ont dit que vous aviez réussi l'exercice. Alors, bien sûr, puisque j'ai été très ému, j'ai eu Jeanine Reiss, qui a été sa professeure dans la dernière partie de sa vie, qui lui a enseigné le chant français, et Carmen, et qui m'a téléphoné, manifestement très ému, et qui m'a dit, mais j'ai lu ton livre et j'ai le sentiment de l'entendre, elle. Alors évidemment, ça, j'étais heureux. C'est magnifique. On peut saluer Jeanine Reiss, évidemment. Qui est un des personnages du livre, évidemment. Oui, qui joue un rôle absolument essentiel dans le monde de l'opéra et de la musique en général. Nous allons revenir sur cette carrière fulgurante, sur toutes les étapes de cette vie, ce que vous faites d'ailleurs à l'aide de flashbacks qui arrivent très naturellement dans votre ouvrage. Mais pour ce qui est de cette fin, sur laquelle nous ne reviendrons pas, je n'y ai peut-être déjà que trop insisté, mais c'est quand même un peu étrange qu'elle se soit retrouvée à ce degré de solitude. Très souvent, je ne citerai pas de nom, mais des personnalités très importantes comme elle peuvent se retirer, effectivement, vivre dans une certaine solitude, mais vous avez toujours 3 ou 4 fans, si je puis dire, ou admirateurs qui sont là à leurs pieds, qui les accompagnent, qui leur tiennent compagnie. Ce n'est même pas son cas à elle. Non, c'est pas son cas parce qu'elle a voulu cette solitude. Elle refusait de voir, elle avait un certain nombre d'amis, de proches, de gens qui lui étaient fidèles, qui lui téléphonaient et qui proposaient de passer la voix. Elle le refusait. Elle ne vivait que enfermée avec Ferruccio et Bruna, ses deux domestiques, ses chiens. Et c'est pas un hasard si elle tirait les rideaux dans la journée. Elle s'était déjà inscrite dans un tombeau, et au fond dans le tombeau d'elle-même, et tout rideau tiré dans cette nuit qu'elle inventait. Elle ne vivait que dans le passé. Elle passait ses journées à réécouter ses disques, à regarder ses photos, à lire les articles sur elle. Au fond, elle était dans le ressassement de cette vie qu'elle n'avait pas su mener jusqu'au bout. Et donc, elle essayait de la revivre, mais jusqu'à l'épuisement d'elle-même. Et elle est morte de solitude, d'épuisement. Son cœur s'est arrêté. Bien sûr qu'il y a des raisons médicales, mais il y a d'abord cette raison qu'elle a perdu pied avec elle-même. Au fond, elle ne voulait plus combattre. Elle qui a combattu toute sa vie, là, elle s'est abandonnée. Et on a un peu l'impression à vous lire qu'elle s'est enfermée dans l'image d'elle-même, dans une sorte, vous savez, chaque personnalité est plus ou moins duelle, selon évidemment les cas. Mais en tout cas, il y a toujours la personne, l'être humain au fond, et puis la personnalité sociale, d'une certaine manière. On a l'impression qu'elle s'est projetée dans cette personnalité sociale, qu'elle s'y est enfermée. Bref, que c'est l'exact exemple à ne pas suivre, exactement, en fait. Exactement. Vous avez tout à fait raison, mais pourquoi ? Parce que, en fait, elle n'a jamais été aimée comme elle aurait voulu être aimée. Et donc, le seul moment où elle était aimée, c'est quand elle était en scène. Quand elle avait des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui criaient son nom, qui l'adulaient, car il y avait quelque chose de l'équivalent de ce que sont les rockstars aujourd'hui, quand elle apparaissait. Et là, c'était le seul amour qu'elle a reçu. Mais dans sa vie, pensait que dès sa naissance, elle n'a pas été aimée puisque sa mère a refusé de la regarder à sa naissance. Elle le dit, enfin vous lui faites dire plusieurs fois. Parce que sa mère avait perdu un fils quelques mois plus tôt et elle voulait absolument un fils. Elle n'a pas eu de fils et pendant 5 jours, elle n'a pas voulu regarder sa fille. Vous voyez déjà le manque d'amour dès le départ. Et la volonté chez Maria Callas de se rendre, si je puis dire, intéressante, oui, d'être la meilleure pour attirer d'une certaine manière, sinon l'attention, du moins l'amour peut-être. Alors elle aurait voulu l'amour de sa mère qu'elle n'a jamais eu. Oui. Sa mère a utilisé le don qu'on lui a très vite reconnu, puisque comme elle était seule, que sa mère ne s'occupait que de Jackie, sa sœur aînée, qui avait les belles robes, qui était jolie, elle était grosse, elle avait une myopie déjà, elle avait des grosses lunettes. Donc sa mère ne s'intéressait pas à elle, et donc elle écoutait la radio, la petite Maria. Et comme elle écoutait la radio, elle répétait, et puis les voisines ont dit « Mais elle a une jolie voix, votre fille. » Et à ce moment-là, la mère, qui ne rêvait que d'une chose, c'est de quitter les États-Unis. Son mari l'avait entraînée, soi-disant pour faire fortune, et ce qu'elle voulait, c'était retourner en Grèce. Elle a utilisé le don de sa fille pour dire « Mais ce n'est qu'en Grèce qu'elle pourra s'épanouir. » Alors, il y a un concours, il y a une audition à l'origine de cette étonnante carrière, comme très souvent chez les chanteurs d'opéra du reste. Hein. Mais aussitôt, elle est toute jeune, elle a 11 ans. Là, oui, tout à fait. Mais la personne qui l'entend, qui est une ancienne chanteuse, qui a été très importante à son époque, pressent que dans cette voix qui n'est évidemment pas une voix qui est encore faite, il y a un diamant, il faudra éliminer toute la gangue, mais il y a un diamant. Et elle va décider de faire en sorte que ce diamant puisse s'avérer. Et elle va le décider à tel point que la mère de Maria Callas n'a pas l'argent pour payer les cours de Elvira de Hidalgo. Et elle dit « Je la prendrai pour rien ». Ça c'est magnifique, ça c'est bon signe. Parce qu'elle avait compris. Et il n'y a pas qu'Elvira de Hidalgo, il y a un certain nombre de Pygmalions autour bien de sûr, cette statue en création. Hein. Bah, il y aura surtout les personnes qui ont compté pour elle. Elvira de Hidalgo a beaucoup compté. Tullio Serafin. Bien sûr. Le chef qui la découvre quand elle arrive en Italie en 1947. L'homme du rubato. Oui, l'homme du rubato, c'est comme ça qu'on le soulignait son art du chef d'orchestre. Mais celui qui a aussi compris d'emblée, dans cette Gioconda qu'elle va chanter aux arènes de Vérone, qu'il y a là, sans doute, la grande chanteuse du siècle, et peut-être même de tous les siècles. C'est Maria Callas, c'est pour moi la chanteuse superlative. On ne sait pas comment chanter la Pasta et la Malibran, mais en tout cas, dans toutes celles qu'on a entendues, on n'a jamais eu un moteur d'émotion aussi fort que celui de Maria Callas. On va s'en rendre compte dans un instant, juste après les publicités. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Un extrait de la prière de Tosca de Puccini interprété par Maria Callas. Maria Callas qui est au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec Alain Duhaut, écrivain, poète, musicologue, animateur de télévision et de radio, qui vient de publier Dans la peau de Maria Callas aux éditions Le Passeur. Alain Duhaut, dont on peut dire qu'il s'est coulé dans la peau de tous les grands musiciens finalement. En tout cas, il a interviewé la plupart, si je puis dire, parfois de façon imaginaire. C'était un précédent. Oui. Alors quand on entend ça, Alain Duhaut, même avec les imperfections des enregistrements de l'époque, on comprend qu'elle ait littéralement sidéré le public de Vérone au moment où, pour la première fois, elle interprète Tosca en remplacement, il faut le dire. Bien sûr, oui. Vous savez, ça arrive souvent. Beaucoup de chanteurs ou de chanteuses se sont révélés en remplaçant au pied levé. Et il y a justement une adrénaline particulière qui fait qu'ils se dépassent. Parce qu'ils savent que ce n'est pas... C'est la chance de leur vie, là. Oui, c'est pas eux qui sont attendus, mais ils ont la chance et il faut y aller. Ouais. Et vous savez, Maria Callas... Elle n'a jamais reculé devant l'obstacle. Elle a osé des choses, peut-être qu'elle n'aurait pas dû oser, quand elle était à la Fenice de Venise, qu'elle chantait la Valkyrie de Wagner et qu'on lui a demandé de remplacer au pied levé, encore une fois, une chanteuse, Margherita Carosi, qui était indisponible pour les puritains de Bellini, c'est-à-dire deux voix totalement différentes. Elle y est allée. Au risque de se casser la voix. Au risque de se casser la voix, mais c'est pourquoi cette carrière fulgurante n'a pas duré finalement si longtemps. Mais elle dure très peu, elle dure 15 ans finalement. Exactement, 15 ans. Comment expliquer que 15 années seulement, alors que certaines cantatrices ont des carrières qui peuvent durer jusqu'à 40 ans et au-delà, 15 ans seulement ont suffi à marquer le XXe siècle? Parce que, si vous voulez, c'est pas une cantatrice prudente, c'était le contraire d'une cantatrice en chaussons tranquille, si vous voulez. Elle se jetait avec un feu, une énergie, une passion dans tous ses rôles, et elle agrippait le public. Ce qui est extraordinaire quand on réentend ses disques... Moi qui ne l'ai pas vu en scène, je l'ai vu dans son dernier récital en 74, mais je ne l'ai pas vu chanter des opéras, mais on voit ses gestes, car elle modèle son chant avec une énergie théâtrale telle qu'elle est toujours vivante comme ça, dans cette force théâtrale qui l'a différenciée de toutes ses rivales. Elle arrivait à électriser le public et parfois à l'irriter aussi, il faut le dire. Ah, mais bien sûr, parce que, si vous voulez, encore une fois, le public il est habitué... à une consommation tranquille la plupart du temps, et c'était d'une certaine manière un chant révolutionnaire. Elle instillait des roussités de la voix, des cris à l'intérieur, une violence et une énergie qui évidemment renversaient la consommation tranquille. Alors elle chante là dans Tosca, Vici d'arte, vici d'amor, et j'ai vécu d'art et j'ai vécu d'amour, oui. D'art incontestablement, nous venons je crois de le dire une fois de plus, d'amour, c'est une autre affaire. Non, d'amour, justement pas. J'ai rappelé que sa mère a refusé de la regarder quand elle est née, mais ensuite... Elle aurait voulu être aimée de sa mère, elle ne l'a pas été. Elle aurait voulu être aimée de son père. Son père, bien sûr, l'aimait, mais il était volage, il n'était jamais là. Ensuite, elle a rencontré, donc, à Vérone, celui qu'elle a épousé, Giovanni Battista Meneghini. Mais il avait 28 ans de plus qu'elle. C'était un père de substitution, un impresario. Ensuite, Pygmalion, d'ailleurs. Oui. Ensuite, elle a été folle amoureuse de Luchino Visconti, qui est... Mais ça tombait doute, mal, lui n'aimait pas mal. Lui était homosexuel. Elle ne voulait pas le croire, d'ailleurs. Elle ne voulait pas l'admettre. On était dans une époque un peu plus corsetée. Et donc, elle a ensuite rencontré Aristote Onassis, et elle a été folle d'amour pour Onassis, parce que Onassis lui a révélé quelque chose qu'elle ne connaissait pas, alors que... N'oubliez pas, elle avait 34 ans quand elle rencontre Onassis. Il lui a révélé la sexualité. Et tout d'un coup, elle s'est retrouvée femme. Sur le tard. Mais oui. Mais sauf que pour Aristote Onassis, Maria Callas n'était qu'un œillet de plus à sa boutonnière. Et, voilà. Et que très vite, eh bien, il est passé autre chose. L'autre chose s'appelait Jackie Kennedy. On est étonné qu'une femme qui a connu toutes ses gloires, qui était devenue peut-être une des plus grandes célébrités du monde, ait pu être naïve, si je puis dire, comme la petite débutante. Oui. Elle l'était, parce qu'elle vivait dans un monde qui était un monde irréel, le monde de l'opéra. Et oui. Et une seule un preuve monde passionné aussi. Un monde passionné. Mais une preuve d'amour, je voudrais ajouter. Vous connaissez tous l'histoire de son fantastique amaigrissement. Elle est passée de quelques 100 kilos à 62 kilos. Et c'est par amour qu'elle a fait ça, mais par amour pour Visconti. Et oui. Elle voulait être belle pour lui. Finalement, il aura peut-être été l'amour de sa vie. Oui, celui qui lui a apporté le plus. Et c'est peut-être, j'allais dire réciproque, en tout cas, il avait pour elle également des sentiments très très forts. Ah oui, une admiration passionnée. Et ils avaient peut-être la même vision de l'existence aussi. Oui, sans doute. Mais au fond, ils se sont rencontrés surtout... Sauf sur l'amour, évidemment. Mais pour tout le reste... Sauf sur la sexualité, disons. Sauf sur la sexualité. Mais il y avait une forme d'amour, d'admiration réciproque extraordinaire. Et les spectacles les plus magnifiques chantés par Callas, quand on a par exemple toutes les photos de la Vestale ou de la Traviata à la Scala de Milan, c'est Visconti qui en est la marque. Avec un assistant à la mise en scène qui s'appelait Zeffirelli à l'époque. Ce qui n'est pas rien. Et qui prétend, nous dit Jean-Pierre, qu'elle aurait été assassinée. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Non, ça c'est des élucubrations, mais vous savez, il y a toujours un petit peu des révisions de l'histoire. Oui, bien sûr. Nos auditeurs nous posent beaucoup de questions, vous savez. Brigitte me demande, par exemple, vous demande d'ailleurs, à vous, Alain Duhaut, elle sait à qui s'adresser, si vous ne trouvez pas qu'Anna Netrebko a quelque chose de l'émotion de Maria Callas et du type d'interprétation. Elle a tout à fait raison. Dans l'engagement total du chant, bien sûr, il y a quelque chose. Mais la différence d'Anna Netrebko, c'est qu'elle mène une vie personnelle qui est une vie harmonieuse. Et voilà, mais ça change tout. Et peut-être. Dans l'engagement théâtral, elle a parfaitement raison. C'est sans doute celle qui est aujourd'hui la meilleure continuatrice de Callas. Philippe demande, à contrario, si la souffrance qu'elle a vécue au quotidien ne lui aurait pas, d'une certaine manière, permis de magnifier son art. Mais bien sûr. J'en suis tout à fait sûr. C'est justement, elle s'est immolée dans son art. Elle a immolé son corps et sa vie dans son art. Et c'est pourquoi elle a vécu d'art, si elle n'a pas vécu d'amour. Mais il est sûr que cette douleur-là lui permettait d'exprimer la douleur d'une Tosca, d'une Norma ou d'une Gioconda. Une courte carrière de 15 années seulement, qui aurait pu déboucher sur autre chose. Je parlais tout à l'heure d'Elisabeth Schwarzkopf. Elle aurait pu devenir donc professeure, ce qu'elle a été un tout petit peu, mais ça n'a pas duré finalement. Les leçons de la Juilliard School, les masterclass, j'ai pu en parler avec Placido Domingo et avec Barbara Hendricks qui... ils ont suivi, oui. Bon, et ils ont dit... Et c'est ce qu'on entend, puisque j'ai écouté les bandes de cette masterclass, c'était pas un très bon professeur. Parce que, si vous voulez, le fait d'avoir été une grande chanteuse veut pas dire qu'on sait faire passer les choses. Car elle avait au lieu de faire naître quelque chose dans ses élèves, elle avait une volonté de leur imposer sa vision. Et il y a eu un moment tout à fait extraordinaire où elle reçoit un baryton qui chante Rigoletto. Et il ne chante pas Rigoletto comme elle le veut. Et elle, qui est une soprano, se met à chanter le Cortegiani assassine. Alors on retrouve le frisson de la voix de Callas, mais ça ne lui apprend rien. La preuve, quand il rechante ensuite, il chante toujours aussi mal. Elle avait des idées bien arrêtées sur les personnages, parce que l'interprétation pour elle comptait autant que le chant lui-même. Mais bien sûr. Vous racontez ses déboires, si je puis dire, avec Karajan dans les années 50 également. Hein. Oui. Il n'avait pas la même vision. Non, il n'avait pas la même vision. C'est pourquoi cette rencontre, qui aurait pu être extraordinaire, finalement n'a été que brève. Alors il y a en ce moment une énorme collection, je dis énorme parce qu'elle est là sur mes étagères, je peux vous dire qu'elle occupe de la place. Bah, les 27 intégrales d'opéra, 13 intégrales de récital, tout ce qui a été enregistré en studio par Maria Callas. Tout ça chez Warner Classics, remasterisé. C'est-à-dire qu'on a vraiment nettoyé complètement les choses. Moi je me souviens par exemple, il y a de temps en temps, dans les anciens enregistrements, on retrouvait quelques bruits. Parfois il y avait un bruit de chaise par exemple qui a été enlevé, c'est tout à fait extraordinaire. Et la voix est très, très mise en valeur. Et puis si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas acquérir cette énorme collection, existera à partir du 10 novembre, donc la même chose mais version résumée, voilà. 3 CD, Maria Callas, La Renaissance d'une voix, toujours chez Warner Classics. Vous mettez donc un bon disque, vous vous installez tranquillement et vous pouvez lire Dans la peau de Maria Callas. C'est cette évocation à la première personne signée Alain Duhaut et c'est au passeur. Merci beaucoup Alain Duhaut. Merci à vous François. On avait l'impression qu'elle était là avec nous. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Benjamin sur l'origine des colorants. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question de Benjamin, il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Benjamin aimerait savoir d'où viennent les colorants naturels mais aussi synthétiques. Alors, vous savez que les colorants sont aussi vieux que le monde, en tout cas les pigments. Pensez aux grottes de Lascaux, pensez à la façon merveilleuse dont les Égyptiens utilisaient le safran, le pastel, la garance. Par exemple la garance qui donne ce colorant très rouge, vous savez. Ça coûtait extrêmement cher autrefois les colorants, qu'ils soient d'origine végétale ou animale d'ailleurs. Pensez que pour faire 1,5 g de pourpre, il fallait 12 000 coquillages, vous imaginez. Donc tout ça, évidemment, ça explique pourquoi nos ancêtres vivaient dans un univers de brun et de gris essentiellement. Seules les personnes les plus fortunées pouvaient s'offrir la couleur, si je puis dire. Alors, le premier colorant industriel, il est découvert, lui, en 1856, par hasard, par le chimiste anglais William Perkin. Il s'agit de la mauveïne ou du pourpre aniline, un colorant mauve, obtenu par oxydation d'un dérivé du pétrole. Il est soluble dans l'eau et l'alcool, ce qui va lui donner un immense succès, bien entendu. Ça va notamment révolutionner l'industrie de la soie, par exemple. Et puis, les chercheurs vont très vite se mettre à créer d'autres colorants de synthèse. Par exemple, le français Verguin va effectuer la synthèse de la fuchsine, du rouge magenta. On va aussi faire la synthèse de colorants naturels comme l'alizarine, le principe colorant de la garance, etc. Et peu à peu, nous allons nous mettre, mais quand je dis peu à peu, c'est tard. C'est dans les années 1890, on va voir la couleur peu à peu envahir le monde. Et alors, aujourd'hui, j'ose même plus en parler.